C'est Gecko, c'est Co-MC. Vache, Nico, gros tâche. Le mot est dit. J'me bats la bite de passer pour un moyébi. Du moment que j'prends mon yébi, j'crois pas au Yeti, mais j'crois au cache-bras. L'amour du risque, c'est ramener une carba à la casse-ba. Envie de participer quand un de mes gaspas ou quand un de mes ganiques. Comme dans Orange Mécanique, on traîne au centre go. On rêve de piller des bandes dimanche chaud. On n'a pas fait Sciences Po, on a le sang chaud. Personne nous fait fiance co. C'est pour mes dealers de chocolat, mes potos go. Enfermé à Chocolin, ça va te faire tout drôle comme une teutard en pleine poire. Ou même pour ce que je suis, pas pour mon répertoire. Tu crois, si tu nous testes, on se taira. Tu te mets le doigt dans le rectum, on a trop de testostérone. C'est pour mes cannibales, mes guerriers, mes terreaux. Pour les Algériens, kamikazes, guerriers. C'est la folie des sous-sols, là où l'alcoolique se déboussole. Là où la police te foussomme, là où l'harmonie se déboutonne. C'est la folie des sous-sols, ouais la folie des sous-sols. On préfère crever dans la seconde qu'apprendre à vivre comme des sous-hommes. C'est la folie des sous-sols, viens qu'on t'arrache ta couronne. Boulop, boulop, là où la monnaie fait qu'on se déboulonne. C'est la folie des sous-sols, ouais la folie des sous-sols. On préfère crever dans la seconde qu'apprendre à vivre comme des sous-hommes. Ça sent la goutte quand y'a l'équipe de Wesh alors. Les MC pleurent des larmes de sang, j'ai pas sorti les échalotes. C'est Casa à la prod pour les Fashion à la tête et les Kaira en la côte. On sent lourd vu que la concurrence est toute lèche. Effrite la boulette pendant que Farah charcute le poulet. Mon rap s'adresse aux grandes tours et aux petites roulottes. DJ lâche-toi, fais pas le radin sur les boulots. Si t'es une merde, te fais pas passer pour un vrai. Nous on court pas après le rap, c'est le rap qui nous court après. Fuck, fuck, Fatal et Camini, les petites comiques. Dès que je tourne le dos, les rappeurs te mettent à la tête. Tony, garde ton flow de merde, tes soirées entre couilles. Prépare une chambre doux parce que c'est rare que je rentre pour le douille. Lorsque mon tasse plus qu'une équipe en mode de vie, gros tâche des halls sales. Laisse pour un couplet, c'est hors de prix. C'est la folie des sous-sols, là où l'alcoolique se déboussole. Là où la police te foussomme, là où l'harmonie se déboutonne. C'est la folie des sous-sols, ouais la folie des sous-sols. On préfère crever dans la seconde qu'apprendre à vivre comme des sous-hommes. C'est la folie des sous-sols, viens qu'on t'arrache ta couronne. Boulop, boulop, là où la monnaie fait qu'on se déboulonne. C'est la folie des sous-sols, ouais la folie des sous-sols. On préfère crever dans la seconde qu'apprendre à vivre comme des sous-hommes. Je veux faire un œil au beurre noir, la veille de la photo de classe. Faut que tu classes, mon flow classe, prends trop de place. Nique la mode, ma dégaine pisse sur les tigasses. Tu casques et je te fais un crime, 6 fois plus efficace. Tu packs, tu es intolérant, animal du ghetto errant. Tireur d'élite qui vise le premier rang, c'est cohérent. Je pratique le rap, traumatisme, psychosomatique. Armé d'un 42 A et kick automatique. J'avais la dalle, bien avant de jeter mon cartable. Même si je vais te confisquer la lumière du jour, comme la garde. T'as un lieu en face, donc ne mise pas sur les bagnoles. Mais face, les bayonnes, val des bagnoles, pas des ballons, rack des darons. Je veille à ce que les pendules soient à l'heure, que les crâneurs rêvent comme les victimes de John Kramer. C'est qu'au MC, tout le monde se fiche. Le piège, une poignée d'arrêt dans un filet au fiche. C'est la folie des sous-sols, là où l'alcoolique se déboussole. Là où la police te foussomme, là où l'harmonie se déboutonne. C'est la folie des sous-sols, ouais la folie des sous-sols. On préfère crever dans la seconde qu'apprendre à vivre comme des sous-hommes. C'est la folie des sous-sols, viens qu'on t'arrache ta couronne. Boulop, boulop, là où la monnaie fait qu'on se déboulonne. C'est la folie des sous-sols, ouais la folie des sous-sols. On préfère crever dans la seconde qu'apprendre à vivre comme des sous-hommes. L'instinct du bitume, Brod, Farajnikov, Toxic Connexion, Néo-Chrome, Test sur dos, Test sur dos, Test sur dos.